On va parler avec une personne native de l'Outaouais qui a réussi quand même une expérience dernièrement. C'est une aventure, on pourrait dire, en forêt à l'île Réunion. Steven Bellemare, qu'on a bien connu à l'époque, il jouait avec le Vanier de l'Université de Sherbrooke, a fait cette activité dernièrement. Question de savoir qu'est-ce qu'il retient de ça, on lui parle. Salut Steven! Bonjour. Steven, explique-moi un peu, c'est quoi ton aventure que tu as eue dernièrement? Donc, c'est une course, ça s'appelle un ultra-trail, un 100 km de course à pied, sans arrêt, dans les montagnes de l'île de la Réunion, au gros soleil d'Afrique. OK. Pour bien situer les gens, l'île de Réunion, c'est en Afrique et c'est à quel endroit? Pas loin de Madagascar, tu me dis, en dehors des zones. Exactement. Ça va être juste à côté du Madagascar. C'est une toute petite île qui est sous les îles françaises. Donc, ça fait partie de la France, mais c'est sur le continent OK. africain. Pourquoi avoir choisi l'île Réunion? L'idée m'est venue, j'ai regardé les 10 courses les plus difficiles sur la planète. OK. Et puis, cette course-là faisait partie du top 10. Puis, ben, ça parle français aussi là-bas. Donc pour moi là, c'était plus facile de me repérer. Puis j'étais pas quelqu'un qui voyageait beaucoup dans ma vie, là. Donc c'était un peu plus rassurant d'aller à une place où la barrière du langage n'était pas OK. là. Donc, évidemment, c'est une question de langage, mais pourquoi avoir fait ça? C'est un challenge que tu voulais faire, un défi personnel, quoi? Exactement. Là, ça faisait quelques années là que j'avais terminé le sport. J'étais un ancien joueur de Ben oui. football. Et puis, je me cherchais un défi un peu, un défi physique à relever là, depuis quelques temps. Et puis, j'étais sur Internet, là, puis comme je disais tantôt, j'ai regardé les courses les plus difficiles sur la planète, puis je me suis dit, laquelle que je pourrais être capable de faire. Je suis pas un nageur, donc je regardais les courses, là, évidemment, où il y avait pas de nage. Et puis, j'avais un petit listing, là, il y avait une couple de courses. Il y avait une sur la muraille de Chine, ensuite il y avait celle-là, il y en avait une couple dans le désert, aux États-Unis. Et puis, comme je parlais tantôt, là, avec la barrière de la langue, c'était plus facile. Ça avait l'air bien organisé aussi en Réunion. Donc, mon choix s'est arrêté là. OK. Est-ce que ça t'a demandé une préparation physique plus que d'habitude ou si, en fait? Oui, quand même. C'était quoi ta préparation? Je dirais que j'ai pas réussi à mettre au complet la préparation que je voulais parce que ça demandait beaucoup de OK. volume. Et puis mon horaire était difficile. Donc je m'entraînais environ 5 fois par semaine. En heure de course, là, c'est environ 15 heures de course là, par semaine que j'ai réussi à faire. OK. C'est un peu moins de ce que je voulais, mais bon, ça a été suffisant, heureusement. C'était quoi, du jogging que tu faisais, quoi? Ouais, c'était assez varié. Beaucoup de longues distances aussi. Beaucoup de. J'étais pas habitué de courir dans autant de dénivelés, là. C'était beaucoup de montées, mais principalement beaucoup de descentes, là, beaucoup d'excentriques. Et puis, c'était de courir aussi dans des surfaces instables, là, le plus possible, là, en plein bois ou partout où c'était dans le fond, là, le sol allait être un peu le plus chaotique possible, là. OK. Parce qu'il faut rappeler aussi, tu me l'as dit en dehors des ondes, le but de ça, c'est 27 heures. Tu l'as fait en 27 heures. Et le but de ça, c'était aussi que ça se fasse avec peu d'équipement, hein? Exactement. Il y a des points de ravitaillement quand même à certains endroits durant la OK. course. Je dirais que c'est quand même bien. C'est une course qui est quand même bien reconnue mondialement puis qui est bien organisée aussi. Donc là, moi, j'ai été en détresse, je dirais, à un seul endroit là, où j'ai manqué d'eau pendant peut-être un petit 2 heures là, puis j'ai été obligé de boire dans des ruisseaux là. Je ne sais pas quelle qualité d'eau Ouf. là. J'ai eu là, mais là j'ai souffert un peu de déshydratation, là, puis j'ai pas eu un coup de chaleur. Mais non, là, ça a quand même bien été. On a un sac de survie avec la nourriture, l'eau aussi à l'intérieur. Quand on arrive au point de ravitaillement, on peut faire le plein, là, puis on peut prendre la nourriture, on remplit nos sacs d'eau et puis on se OK. part. Est-ce qu'il y a beaucoup de Québécois, quand tu étais sûr Québécois qui était là? Dans le fond, ça s'appelle les Grands Raids, puis il y a trois OK. courses. dans les trois courses, là, dans la plus longue, il y avait quelques Canadiens qui étaient là aussi. Et je sais qu'il y avait des Québécois aussi qui étaient, mais je pourrais pas dire un nombre exact, mais dans notre course à nous, là, on était là. Okay. Tu l'as pas fait seul là, de ta gang, là. Il y en avait trois, exact. C'est ça? Oui, on était trois coureurs, puis on avait un accompagnatrice avec nous. OK. Et puis nous, on ramassait de l'argent aussi. On a décidé de faire ça puis de ramasser des sous parce qu'on réussit à trouver des commanditaires. Puis je trouvais ça un peu triste que pour le sport, on réussit à trouver beaucoup de commanditaires puis qu'il y a plein d'organisations qui cherchent des sous qui ont de la misère à en trouver. Donc on s'est associé avec en fait, on va donner de l'argent au CRBI, au Trouble d'Engagement du Développement chez les jeunes, puis à l'Association canadienne de santé mentale. OK. Dis-moi, Steven, est-ce que c'est plus dur que tu pensais? Oui. Oui, OK. Oui, je me. En fait, c'est assez difficile de se mettre. De se faire l'idée exacte, là, de une autre difficulté que ça pouvait être. Là, j'avais les courses les plus longues que j'avais faites ici en trail, okay. Dans le même genre, c'était environ 35 km. Donc là, je m'alignais pour un 97 km. Et puis, vraiment, là, c'était plus difficile que je pensais. Mais tout de même, là, le corps a bien tenu. J'ai été chanceux. Là, je ne me suis pas blessé durant la course. Donc, c'est plus mental. Là. OK. Mais à quelque part, c'est quoi que tu as trouvé le plus dur? C'est la chaleur, le manque d'eau? Tu as dit, j'ai passé 2 heures sans boire. Maintenant, je me suis ramassé dans un ruisseau sans savoir la qualité. Je ne sais pas vraiment la qualité de l'eau. C'est quoi, en fait, que tu as trouvé le plus dur? Les deux choses que j'ai trouvées le plus difficile, c'est parce que il y a des portions de. On peut être pendant une vingtaine de kilomètres constamment dans des roches, dans des descentes et dans des montées qui sont plusieurs heures. Et donc moi, c'est le mal au niveau des pieds à la fin de course là, qui était toutes les jambes en fait, là, c'est bien que tu sens presque plus tes jambes, là, tellement que et c'est curieux un petit peu, là, mais la douleur et ça. C'est quasiment tellement grande et généralisée que c'est juste un inconfort global qui est amené. Mais vraiment, là, moi, c'est les pieds et les mollets là, complètement. Mais il n'y avait pas de. Je veux dire, vous n'étiez pas bien bien chaussé? Oui, mais. C'est différent. C'est vraiment différent. Puis on peut être plusieurs kilomètres sans jamais avoir un sol plat. Ah, OK. En dessous de nos pieds. Donc, on va être constamment seulement sur des roches, sur des racines. Puis, on essaie d'aller le plus vite possible, puis de courir le plus vite possible là-dedans. Fait que tes pieds sont constamment, tu sais, tes chevilles, on va se verser les chevilles souvent. On va, donc, c'était vraiment les pieds, là, c'était affreux, un peu la douleur que j'avais en fin de course, là, puis les jambes aussi, là. Tout ce qui est ischio, mollet puis quadriceps là quand j'ai terminé la course là pour vous donner une petite idée ça allait somme toute bien quand j'ai terminé mais une minute après là on était plus capable de marcher du tout là pendant presque 2 jours. Ouf, que c'est un peu plus dur que courir un marathon quoi parce que t'es toujours en montée c'est ça qui est le plus difficile aussi. Hey, dis-moi au niveau des là on a parlé des Québécois des Canadiens mais il y en avait-tu de d'autres pays. Est-ce que c'est une course qui est populaire là-bas? Sûrement. Oui, vraiment. C'est une course qui est à l'international. OK. Puis il y a vraiment quand même beaucoup d'Européens qui vont être là. Puis dans le fond, c'est une course qui est fermée pour un nombre de Réunionnais. Et ensuite, il y a un volet international dans la course. Et qui s'assure d'avoir un nombre de résidents de la place. Et ensuite, il ouvre environ 300 à 400 personnes de l'international par course, puis il y a trois okay. courses. Ton classement, c'est combien? Ton Pardon? Classement, ça, t'as fini combien? J'ai fini 188e. On est au départ à la course, nous, on était 1000. Oh, c'est quand même bon pareil dans le. Oui, je m'attendais pas à ça. Le premier est pas loin du premier 20e. Très bon. Oui, j'étais bien content. On s'attendait à faire un mi-peloton. Okay. Donc, ça a super bien été. On pensait réussir à le faire en à peu près 20 ans. Hein. Mais, dans le fond, il y a un le premier coureur qui a abandonné. Nous, là, il s'est blessé au pied. Puis ensuite, là, j'ai suivi mon mon compatriote qui était avec moi, puis lui, il s'est blessé, il s'est brisé le collatéral externe du genou. Et puis, à la fin de course, là, ça a été difficile. Fait que je l'ai accompagné tant que je l'ai pu, jusqu'à temps qu'il m'a dit qu'il abandonnait la course. Finalement, il a réussi à terminer. Puis là, je l'ai laissé pour les 5 derniers kilomètres. Là, mais on a comme une partie d'environ 10 kilomètres là, où il était plus capable de courir. Puis là, cette marche qui était lente. Là, je suis comme resté avec lui pour l'accompagner là-dedans pour pas qu'il lâche. Donc, finalement, ça a comme fait durer notre course un peu plus longue, puis on a perdu des positions un peu. Mais notre challenge à nous, là, c'était vraiment de réussir à finir la course. Puis on pensait pas être aussi bon dans le classement. Ah oui, c'est clair, c'est clair. Est-ce que si on aurait su ça, là, peut-être qu'on aurait poussé. Est-ce que c'est une expérience que tu voudrais refaire? Oui, c'est sûr que je ne retournerai pas faire cette course-là précisément. Okay. C'est une course qui est assez dispendieuse aussi. Là. Je voudrais que ça a environ c'est pas côté. 5 000 $ par personne. L'île de l'Union, c'est pas à côté, là, quand même. Oui, rien que les billets d'avion, là, c'est pas loin de 3 000 $ juste pour. Puis là, on n'est pas hébergé à rien. Fait que c'est quand même assez dispendieux, mais oui, c'est des courses. J'ai bien aimé ça, puis je me suis surpris. J'étais pas quelqu'un qui faisait du sport d'endurance. Ouais. J'ai vu que j'avais quand même un certain potentiel et plaisir à le faire. Donc, okay. Je vais retenter l'expérience l'année prochaine. Là, c'est sûr. Hey, dis-moi, l'attitude, est-ce qu'il y avait de l'attitude? J'imagine que oui. Hein? Oui, ouais, c'est ça qui devait être le plus fatigant, le manque d'air aussi. Oui, ben, la hauteur qu'on allait, c'était environ un petit peu moins de 3000 mètres. C'est vrai que je ne l'ai pas senti beaucoup. Le pire à ce niveau-là, là, c'est le niveau de fatigue en fin de course, avec le manque de sommeil. Puis on a des hallucinations qui nous pognent un petit peu là, durant la nuit, là, la deuxième nuit qu'on court. Puis c'est plus ça qui était difficile, là, puis la concentration. Ça faisait que on mettait pas toujours les pieds où on voulait, puis qu'on verse les cheveux plus souvent, puis plus facilement. Là, mais c'est plus ça, là. Complètement, c'est complètement fou. Tu me comptes de ça, là, puis c'est complètement. C'est stupide. Pas stupide, mais je veux dire, c'est complètement fou comme expérience. Ouais, vraiment, parce que, écoute, si je disais ça à la blague, là, les personnes qui me posaient la question, puis je me disais, pour te donner une idée, là, tu t'imagines le scénario le pire, comme tu penses que tu peux te sentir dans une course, là, puis tu fais fois 10. Ouais, facilement. Donc, Steven, un gros merci. Je te félicite quand même de cette expérience-là, puis au plaisir de se reparler. Ben, merci à toi. Voilà, Steven Bellemare qui a reçu quand même une belle expérience. Il avait participé à une course à l'île Réunion.